Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Bonjour et bienvenue sur le plateau de notre magazine de la santé Libre-Échange. Libre-Échange qui est un magazine rediffusé sur différentes stations. Merci aux uns, merci aux autres, merci à toutes et à tous. En particulier de nous écouter parce que c'est de ce succès. Merci aussi à nos partenaires parce que, et techniciens parce que, ils ont la courtoisie, la sympathie de rediffuser notre émission, de participer à ce succès de par la qualité du son, par la technique. Mais aussi, également, je tiens à remercier nos intervenants, nos invités, qui souvent ont une certaine proximité, mais qui viennent aussi de loin, et pour justement venir étayer, apporter leur expertise au sein de notre émission, leurs compétences. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet avec le professeur Jérôme Dinet. Bonjour Jérôme. Bonjour Sylvain. Tu es donc professeur à l'Université de Lorraine. Et aujourd'hui, on va parler donc en psychologie et particulièrement dans un domaine particulier qui est L'impact des nouvelles technologies sur le développement des enfants et adolescents. Voilà, donc, alors c'est un sujet vraiment qui est d'actualité parce que beaucoup de personnes, notamment les parents, se posent des questions. Oui, mais ça ramollit les cerveaux, les nouvelles technologies. Oui, mais mon gamin est trop vieux, il devient de plus en plus violent, c'est à cause de la télé, tout ça. On va en débattre au cours de cette émission. Alors, justement, on va commencer par le début. Quel est le rapport justement des enfants, des adultes par rapport à ces nouvelles technologies ? D'un point de vue général. Après, on ira un peu plus, on va approfondir les choses. Oui, d'accord, avec plaisir. D'abord, le premier point, c'est que les nouvelles technologies ne sont pas forcément nouvelles. Ça, c'est un premier point, c'est que souvent on garde l'appellation nouvelle technologie. Mais pour nous, qui sommes d'une génération où nous avons grandi sans ces nouvelles technologies, on a commencé à les avoir arrivées dans les années 90, 2000, etc., pour nous, on peut les qualifier de nouvelles parce qu'effectivement, dans notre vie, elles étaient nouvelles. Mais pour les enfants nés depuis les années 90 et même ultérieurement, elles ne sont pas forcément nouvelles, elles font partie de leur quotidien. Donc déjà, le rapport, il est différent par rapport à la perception que les gens ont de cette technologie, nouvelle ou pas nouvelle. Et puis aussi, comme tu le disais, Sylvain, beaucoup de fantasmes. Alors beaucoup de fantasmes aussi bien chez les parents, chez les enseignants, les chefs d'établissement, peut-être moins les enfants, mais aussi beaucoup de fantasmes chez les adolescents. Alors des fantasmes dans les deux sens. Il y a des fantasmes, ce qu'on pourrait appeler par exemple les pro-technologies, qui pensent que ces outils-là vont permettre et ont permis peut-être d'apprendre mieux, d'apprendre différemment, de se développer plus vite, de mettre la planète entière en réseau. Et puis d'autres fantasmes, plutôt là très négatifs. Alors comme tu l'as dit Sylvain, on entend souvent des choses du type mais Internet, sur Internet on trouve de tout, de la pornographie, de l'incitation au meurtre. De ce temps-là, on parle beaucoup de terrorisme et de choses comme ça. Donc, surtout actuellement, voilà, avec le terrorisme. Voilà. Oui, donc, oui. Tous ces faits d'actualité, en fait, réactive des fantasmes qui, en fin de compte, si on regarde bien l'histoire des sciences et l'histoire des technologies, au sens large du terme, sont des fantasmes qui ont concerné toutes les technologies. Donc il y a quand même quelques décennies, ces idées-là, ces fantasmes-là concernaient par exemple le téléphone ou le train. Ou la photographie, c'est-à-dire le télégraphe, la photographie, voilà. Hein, où les, par exemple, les Indiens, ils ne voulaient pas se faire photographier parce que, en fait, ils avaient peur que leur âme, elle soit absorbée par la photo. Tout à fait. Je rappelle aussi que pour certains philosophes grecs, l'écriture, c'était un mal. Parce qu'en fait, l'écriture allait malheureusement diffuser des idées pernicieuses auprès de la jeunesse. Donc, même déjà chez les Grecs anciens, il y avait cette idée qu'une technologie nouvelle, quelque chose un peu nouveau, forcément, il faut s'en méfier. Alors, de nature, l'être humain est, je veux dire, réfractaire à l'évolution, à une nouvelle technologie. Pourquoi ? D'un point de vue psychologique, social, est-ce qu'il a peur de perdre certains acquis ? L'être humain, dans la nature, ça peut s'approprier aussi aux religions, parce que l'être humain, la grande peur, c'est quoi ? C'est la mort. Et la peur, c'est la découverte de l'autre. On voit, par exemple, dans la relation qui existe au niveau des populations, par exemple, aujourd'hui, on a le principe avec... On reçoit de plus en plus d'immigrants, la peur de l'autre. Est-ce que c'est ça ? En grande partie, il y a de cela. C'est-à-dire qu'effectivement, une technologie, quand elle est un peu nouvelle, elle change le monde dans lequel je vis, ou du moins elle change mon rapport au monde dans lequel je vis. Elle change aussi des fois l'organisation de mon travail. C'est-à-dire que, par exemple, dans nos professions respectives, quand un nouvel outil m'est imposé par la hiérarchie dans certaines professions, c'est souvent mal vécu, parce qu'en fin de compte, on sent une réticence, pour ne pas dire une résistance, et on sent bien que ce qu'on appelle le changement... doit être accompagné. On parle souvent d'accompagnement du changement, de l'accompagnement à l'innovation. On ne peut pas obliger les personnes à utiliser une technologie. Les rares cas où on a essayé d'imposer une technologie dans certaines populations, certaines cultures, ça s'est souvent soldé par un échec, par un fiasco, parce qu'on n'a pas pris le temps d'expliquer, de rassurer. Donc il y a tout un, encore une fois, cet ensemble de fantasmes, de mythes rattachés aux technologies. Et comme nous le disions en aparté tout à l'heure, juste avant le début de l'émission, ce sont des débats qui souvent ont trait à la morale, ou au bien, au mal. C'est-à-dire, Internet, c'est bien, Internet, c'est mal. Utiliser les textos, les enfants ne vont plus savoir écrire. Enfin, on entend plein de choses comme ça. Un jugement subjectif. Exactement, exactement. Donc, allié peut-être au culturel. Parce qu'on parle en psychologie, ça peut être culturel. Alors, ça peut effectivement être culturel, parce qu'on trouve que dans certaines cultures, l'acceptation et l'acceptabilité des technologies semblent se faire avec beaucoup moins de résistance. Je pense, par exemple, je prends un exemple très concret aussi de l'actualité, ce qui concerne les voitures autonomes, ou alors la robotique, donc les robots parmi nous. Donc, on nous promet un avenir demain ou après-demain où nous partagerons notre espace vital avec des robots à notre domicile, notre lieu de travail. On sent bien que les problématiques, du moins les verrous, sont moins des verrous technologiques que des verrous sociétaux. C'est-à-dire que technologiquement, ça marche, ça peut marcher. Les verrous, ils existent, mais ils sautent les uns après les autres, comme pour la voiture autonome, comme pour ces choses-là. Mais on sent bien que ce qui freine les usages, ce sont des appréhensions, des peurs, des craintes. Comme tu l'as si bien dit aussi du niveau culturel, donc avec des collègues japonais, on s'est intéressé à cette question-là, par exemple sur les rapports entre l'humain et les robots. Et ce qu'on constate, c'est que dans certaines civilisations, dont la nôtre, qui sont des cultures judéo-chrétiennes, souvent quand on interroge les personnes, on retrouve des choses du type « mais c'est pas bien d'essayer de vouloir recréer du vivant ». Parce qu'en fait, on sent bien que dans notre culture, la création du vivant, ce n'est pas l'humain. L'humain, l'homme, avec un grand H, est l'une des créations de la nature, d'un dieu ou du dieu. Alors que dans d'autres cultures, par exemple au Japon, ça ne leur pose aucun problème culturel parce qu'eux n'ont pas ce rapport-là avec l'humain a été créé par un dieu ou des dieux. Donc cette approche culturelle différente fait qu'ils ont une résistance bien moins forte pour introduire et accepter les technologies dans leur environnement au quotidien. Alors, pour revenir justement par rapport à ça, on le voit, moi par exemple, là, je viens de rentrer, j'étais parti à l'étranger. Et on voit cette crainte à l'être humain, de l'autre, la façon de s'habiller, la façon de, je veux dire, culturellement, ben, on a certaines habitudes et on ressent. Et il l'exprime, ben, quelque part, par une certaine, je veux dire, on s'écarte, il y a un certain isolement là. Et justement, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Alors, c'est culturel, mais avec les technologies aussi, moins marqué, comme tu le disais, parce que bah, aujourd'hui, ça fait partie, je veux dire, de notre quotidien. Hein, bien que, comme tu l'as dit, il y a eu les générations. Moi, je suis la génération, j'ai découvert l'informatique, je m'y suis mis dessus. Mm-hmm. Là, maintenant, on voit les gamins, ils naissent pratiquement, si je veux dire. Cadeau de naissance, c'est une tablette ou un téléphone, quoi, pratiquement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, justement, pour essayer d'enlever ces réticences ou de limer, gommer un petit peu Alors, tu as raison. En fait, du point de vue psychologique, moi, je rapprocherais ça de ce qu'on appelle l'écart à la norme sociale. Ah oui. C'est-à-dire que nous faisons tous partie de différents groupes culturels, nous signons notre appartenance à des groupes culturels par notre façon de nous habiller, nos croyances religieuses, nos habitudes alimentaires, enfin voilà, notre langue. Ouais. Donc, on signe notre appartenance à différents groupes sociaux. Et lorsqu'effectivement, l'un d'entre nous, l'une d'entre nous, voire des groupes entiers, s'écarte de ma norme, on constate que l'humain, généralement, phénomène de ce qu'on appelle le phénomène de rejet des membres exogroupes, exogènes par rapport au groupe endogène, on voit effectivement qu'il y a toujours une méfiance et que accepter l'autre, ça demande un effort. Alors, On parle souvent, par exemple en France, d'efforts d'intégration de la part des personnes qui viennent, ouais. Ce qui est tout à fait entendable, mais il y a aussi peut-être un effort intégratif de la part de celui qui est dans le groupe, qui accueille le groupe arrivant. Alors, cet écart à la norme et les problèmes que ça peut causer, on ne retrouve pas ça, par exemple, pour faire le lien avec les nouvelles technologies, oui. Avec les formes de harcèlement, de cyberharcèlement, où on voit qu'il suffit d'être différent pour subir des pressions, on va dire, de la part d'autres élèves. Alors, généralement, le cyberharcèlement, le harcèlement arrive généralement plutôt vers le collège. Et le cyberharcèlement particulièrement, parce qu'avant le collège, l'enfant a rarement accès aux réseaux sociaux numériques, sans un contrôle parental. Sans un contrôle, ou peut-être aussi d'un point de vue manipulation, bien que les jeunes, aujourd'hui, manipulent très bien les nouvelles technologies. Tu as raison, Sylvain, mais alors ça, moi, c'est ce que j'appelle un leurre. Ouais. Alors, un leurre, dans le sens où, effectivement, les jeunes, ouais. Les plus jeunes, manipulent très aisément les supports. À partir de quel âge, on va dire ? Si on dit plus jeune, est-ce qu'on peut situer par rapport à un âge ? Écoute, même les enfants à partir de 7-8 ans manipulent très très bien. Alors, par exemple, ouais. les écrans tactiles, ouais. Qui sont quand même relativement récents. Quand on voit les enfants utiliser les écrans tactiles, on est assez bluffé. Ouais. Mais justement, j'appelle ça un leurre parce que même nous, adultes, on tombe dans le piège. Ils manipulent les choses. Ils appuient, ils cliquent, ils reviennent en arrière, en avant. Et du coup, on a l'impression, nous, adultes, qu'ils maîtrisent les flux d'informations, qu'ils comprennent ce qui se passe derrière. Or, je suis convaincu que du point de vue psychologique, ça leur échappe. C'est extrêmement compliqué. Ça leur échappe, par exemple, que leur activité fait partie d'un réseau beaucoup plus global. Ne serait-ce qu'Internet, c'est extrêmement compliqué au niveau abstrait, même déjà pour un adulte, mais pour un enfant de surcroît, oui. De comprendre ce que c'est que le réseau Internet, les relations entre les ordinateurs. Enfin, c'est extrêmement complexe. Donc, du coup, on a l'impression qu'on peut laisser les enfants relativement, enfin, adolescents relativement autonomes sur les outils technologiques parce qu'ils les manipulent bien. Or, les aspects manipulatoires, pour moi, ne sont pas un problème. Ce qui est vraiment important, ce sont plutôt les aspects intellectuels et cognitifs qui sont derrière. C'est-à-dire que manipuler, cliquer, peut-être, mais maintenant, pourquoi faire ? Qu'est-ce qu'ils en retiennent ? Qu'est-ce qu'ils mémorisent ? Comment ils reçoivent l'information qu'ils lisent ou qu'ils sont en train d'écouter ? Donc ça, c'est beaucoup plus important, me semble-t-il, du point de vue psychologique, que les aspects purement manipulatoires. Alors justement, c'est important ce que tu dis, parce que dernièrement, il y a des études qui viennent de sortir sur... une alerte qui a été émise parce que les enfants de plus en plus jeunes ont accès à ces nouvelles technologies, aux écrans tactiles, aux téléphones, aux smartphones, comme on dit, aux tablettes. Et on a remarqué que d'un point de vue du cerveau, le développement était retardé d'un point de vue cognitif. Et ça, mais aussi d'un point de vue pathologique, c'est-à-dire que les muscles, la mouvance, l'autonomie, la marche, même retarder la marche. Parce que une solution de facilité. Alors, tous les parents ne sont pas comme ça, je tiens à le dire, à le préciser, mais on a tendance à dire va se jouer sur la tablette, va devant la télé. Est-ce que ça s'affirme ? Tu peux le confirmer ? Exactement, exactement. Là, je confirme par le biais de la littérature scientifique, effectivement, oui. qui est maintenant assez colossale depuis quelques années. Alors souvent, quand les parents sont inquiets, ils me posent des questions du type quels sont les impacts négatifs, par exemple, des écrans ? L'un des premiers impacts négatifs, tu l'as dit, c'est l'obésité infantile. L'obésité infantile, par exemple, c'est un problème de santé publique, notamment en France, mais pas qu'en France. Alors, ça peut paraître étrange de lier la consommation d'écran avec des pathologies type l'obésité, le développement du diabète, des choses comme ça, mais c'est parce que, comme tu l'as dit toi-même, le temps passé devant un écran, le temps passif, parce qu'en fin de compte, l'enfant, l'adolescent, même nous, quand on est devant un écran relativement passif, c'est du temps pendant lequel on ne fait pas autre chose. Or, pour un enfant et un adolescent, au niveau sensoriel, au niveau moteur, locomoteur, au niveau de sa santé physique, bouger, c'est très important. Mais pas que santé physique. Comme tu l'as dit, aller jouer au ballon, faire du vélo dehors, certes, c'est une activité locomotrice sensorielle, mais surtout, faire ça avec des copains. C'est social. Frères, exactement. Les liens sociaux. Exactement. Donc, comme tu l'as dit, la télévision, les écrans, l'Internet, tout dépend de la fréquence et des usages qu'on en fait. Est-ce que la télévision est dangereuse ? Alors souvent, on me pose la question, y a-t-il une durée au-delà de laquelle la consommation de la télévision est dangereuse ? C'est ce que j'allais poser comme question. Alors, je serais incapable de répondre à la question, parce que tout dépend des programmes, mais surtout, tout dépend de avec qui on regarde la télévision. C'est-à-dire que très souvent, si c'est une question qu'on me pose, c'est « puis-je laisser mon enfant ?» Mais vous vous rendez compte, le journal télévisé, c'est hyper violent. On voit effectivement des photos, des images de guerre, de drames dans le monde. Oui, l'enfant peut à peu près tout regarder, tout voir, à condition que l'image, le reportage, soit accompagné d'une explication de l'adulte. Effectivement, si on laisse l'enfant absorber, vraiment recevoir comme ça en pleine face, dans les oreilles, ces images, ces sons parfois violents, d'une grande violence, effectivement, là, ça peut faire des dégâts. Ouais. Et comme tu l'as dit, un autre problème aussi de ces technologies, des écrans en général, on parle beaucoup des réseaux sociaux numériques, paradoxalement, on n'a jamais eu un aussi grand nombre d'adolescents qui se sentent isolés. Donc, parce que là aussi, les réseaux sociaux nous mettent des leurres, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on a des likes. Ouais, oui. Donc, je fais une page, je publie, je poste quelque chose, je poste ma photo sur Snapchat, peu importe, et j'ai des likes. Donc, les gens aiment. Pire, allez, les gens ne peuvent ne pas aimer, ce qui est déjà pour certains une forme de harcèlement, parce qu'après tout, je change ma photo de profil. Et là, de ce coup, tu vas voir plein de copains et de copines ou de personnes que je connais moins qui vont dire « j'aime pas ». Bah, donc, c'est une ségrégation, quelque part. C'est une façon de... Tout à fait. Et qui peut se transformer en harcèlement. Tout à fait. C'est une discrimination. C'est un rejet de la différence. Et puis aussi, c'est la volonté de vouloir imposer une pensée commune. Ça c'est extrêmement dangereux, là aussi. On voit bien, même dans des pays comme la France, où il y a, je regrette, je pense, une forme d'homogénéisation de la pensée. Qui est relativement dangereuse, parce qu'effectivement, on peut avoir des opinions différentes. Mais maintenant, lorsque quelqu'un exprime une opinion différente, je pense que tout le monde peut le constater, parfois la violence des réactions à son encontre. Alors, que son opinion soit justifiée, pas justifiée, peu importe, parce qu'il peut y avoir plusieurs niveaux, plusieurs dimensions, mais c'est souvent la réaction à l'encontre de cette opinion différente qui, moi, me choque plus, plutôt que de vouloir exprimer une opinion différente. Donc, du coup, quand on parle d'adultes, entre nous, on va dire, allez, on est assez grand, assez costaud pour supporter la pression sociale, et puis on peut envoyer balader ses collègues, etc. Quand on est adolescent, c'est beaucoup plus compliqué. Quand on est adolescent, on est en train de se construire. On cherche des modèles. On essaye de ressembler aux autres. Mais on essaye de leur ressembler tout en étant différent. C'est-à-dire que j'essaye de m'individualiser. Voilà, donc c'est une période extrêmement sensible au niveau physiologique, anatomique, biologique, mais aussi au niveau psychologique de construction de l'individu. Donc c'est une période extrêmement sensible et on voit bien qu'il existe malheureusement des cas dramatiques où des situations de harcèlement et de cyberharcèlement ont conduit certains jeunes adolescents ou certaines adolescentes à commettre des actes irréparables. Ah, le suicide. Des choses comme ça. Ah, oui. Alors justement, c'est important d'en parler. Excuse-moi, je rebondis, Jérôme, dessus. Parce que dernièrement, justement, on a reçu une émission qui est SOS Amitié, dans laquelle ce sont des écoutants, hein, pour situer un petit peu. Et ils me disaient, c'est lié par rapport à ce que tu dis, c'est qu'ils ont de plus en plus de jeunes qui appellent, qui sont en souffrance, qui sont en déprime, en dépression. D'ailleurs, il y a des études, parce que nous, on s'arrête, hein, comme tu disais, entre une évaluation, une appréciation personnelle, on n'a aucune échelle de référence. Là, ce sont des études scientifiques, quantifiées, graduées. Donc, c'est pour cette raison que cette émission, aujourd'hui, on veut parler avec un scientifique, avec des choses concrètes et non de l'abstrait, du concret. Et il me disait qu'ils ont de plus en plus de jeunes qui appellent, qui sont en situation d'échec, qui sont en situation de détresse, parce qu'ils n'ont pas l'écoute. Et c'est vrai qu'il y a des études qui ont été là, qui ont montré qu'il y a de plus en plus, les jeunes ont de plus en plus de réseaux sociaux, d'amis virtuels, mais rien ne remplace l'échange humain, la relation sérénin, parce qu'en fait, ce sont des émotions, en fait. On parle d'émotions. Tout à fait. Et les émotions, le problème, c'est que tous les sens doivent être en éveil. La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, je ne sais pas ce que tu en penses. C'est toi le professeur. Hein. Oui, tu as parfaitement raison. Les études montrent... Alors, les études sont d'accord sur une chose, c'est qu'il y a de plus en plus d'enfants et d'adolescents victimes de cyberharcèlement. Là où les études ne sont pas d'accord, c'est sur la prévalence du cyberharcèlement. Certaines études montrent qu'environ 16% des adolescents sont victimes de cyberharcèlement, ce qui est déjà colossal. Oui. Dans d'autres études, ça va jusqu'à 36%, donc c'est encore plus important. Alors, les différences de prévalence viennent notamment des différents outils qui ont été utilisés pour mesurer la prévalence. Donc effectivement, j'ai envie de dire... Peu importe, soit 16 ou 36%, c'est énorme. Ce sont des chiffres énormes qui doivent nous alerter. En plus, comme tu l'as fait remarquer, il y a quelques temps, pas si longtemps que ça, le web, c'est 91, 92, le mail, c'est encore plus récent. On nous avait promis, en quelque sorte, qu'avec ces outils-là, nous allons pouvoir communiquer, converser avec le monde entier. Or, avec qui échangeons-nous le plus d'informations? Avec des gens que nous côtoyons, même souvent au quotidien. Donc voilà, donc, effectivement, rien ne remplace le contact physique. Les personnes qui sont victimes de harcèlement, de cyberharcèlement, très souvent, elles connaissent le harceleur. C'est-à-dire qu'on a l'image du cyberharcelé qui reçoit des messages totalement inconnus ou qui viennent de ses où, etc. Et en fin de compte, les études montrent que la plupart, la grande majorité sont des élèves de proximité, effectivement. Et l'autre point aussi important, on pointe du doigt le cyberharcèlement, et on a raison, les études montrent toutes que les personnes, les adolescentes et adolescents cyberharcelés, sont aussi harcelés tout court. C'est-à-dire que ce sont des jeunes qui, dans leur établissement ou dans leur quartier, vivent des situations de harcèlement en plus d'être cyberharcelés. En fait, le cyberharcèlement n'est juste qu'un mode d'expression nouveau du harcèlement, qui est plus facile, plus rapide, je peux diffuser sur un grand réseau. Mais ce sont des enfants, adolescentes ou adolescents, qui subissent des moqueries, des brimades, des insultes, on leur jette des choses pas. Voilà. Donc c'est ce qu'ils vivent au quotidien dans leur établissement ou dans leur quartier. Et en fait, ils revivent ça de nouveau sur les réseaux sociaux. Et comme tu le dis, souvent c'est dramatique quand on trouve les appels à l'aide. Donc heureusement, il y a les associations qui font un travail formidable pour justement écouter, aider, prévenir. Mais on est quand même relativement encore démunis. Parce que très souvent, se déclarer comme étant victime, ça demande déjà une grande forme de courage et une grande maturité intellectuelle. Eh oui. Et ça, les adolescents et les adolescents, peut-être aussi une forme de crainte, de jugement, parce que tu te dis toujours... Mais si je dénonce, ça va être pire. Et c'est ce qui se passe aussi pour ce qu'on appelle les témoins. Il y a toutes ces personnes, adolescentes et adolescents, qui sont au courant des situations de harcèlement, de cyberharcèlement, mais qui n'osent pas intervenir parce qu'ils ont aussi peur que ça leur revienne dessus. Que ça leur revienne dessus, bien sûr. Alors, oui, effectivement. Et donc, la personne se retrouve de plus en plus isolée, elle subit de plus en plus. Mais est-ce que... Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, ce que tu disais, en fait, le harcèlement, il vient, c'est quelque chose qui est graduel, je pense. C'est quelque chose qui évolue. Ce n'est pas du jour au lendemain que, blam, on subit du harcèlement, et c'est graduel. Est-ce que ça commence déjà dans la cour? On parle, par exemple, des jeunes dans les cours des lycées, des collèges ou, des écoles primaires. Moi, je vois des fois, les gamins entre eux, ils sont pas tendres. Hein. L'être humain est oublié. Je ne me rappelle pas trop quand j'étais gamin, mais je ne devais pas être non plus... Alors, est-ce que ça commence déjà là, c'est graduel? Quelle est la progression? Est-ce que ça commence sur les sites internet? Est-ce que ça a plutôt tendance à commencer à l'école? Alors en fait, les scientifiques font la différence entre ce qu'on appelle la violence scolaire ou la violence sur internet, enfin les actes de violence et le harcèlement ou cyberharcèlement. La différence principale entre la violence et le harcèlement, il faut qu'il y ait répétition. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait inscription dans le temps d'actes violents. Si c'est juste, ce qui peut être déjà très, très traumatisant, hein, mais si c'est juste un épisode très court où des élèves ou même des fois des adultes se mettent sur un autre élève ou un autre adulte, c'est extrêmement déplaisant. Mais si c'est relativement circonscrit dans le temps, bon, ça va rester. Une ou deux fois, c'est une violence. Et voilà, ça ne tombe pas sous le coup du harcèlement. Le harcèlement, il faut qu'il y ait répétition, il faut qu'il y ait inscription dans la durée, dans le temps. Alors, ce harcèlement, ce cyberharcèlement, comme tu l'as dit, avec les nouvelles technologies, effectivement, on peut plus facilement harceler quelqu'un. Mais paradoxalement, c'est grâce aussi à ces technologies que les victimes peuvent aussi plus facilement demander de l'aide. Donc c'est pour ça, encore une fois, tu vois, tout à l'heure, ce dont on parlait au début, c'est bien, c'est mal. La question est beaucoup trop complexe posée comme ça, ou du moins mal posée, parce qu'en fin de compte, un même outil peut très bien servir différents desseins. Oui. Et chaque être humain étant différent, sa perception des choses est différente, et sa réaction aussi différente, donc c'est ce qui multiplie un peu cette complexité. Oui, oui, tu as parfaitement raison, d'autant plus qu'il y a aussi tout un ensemble de facteurs humains, individuels, c'est-à-dire que nous avons toutes et tous des personnalités différentes. Eh bien, nous sommes plus ou moins résistants, par exemple résistants à la violence, plus ou moins, nous sommes capables plus ou moins de réagir, plus ou moins capables d'encaisser des critiques, des remarques. Mais ce qui est important aussi, c'est ce qu'on appelle le soutien social. Donc, c'est-à-dire, est-ce que je peux, dans mon environnement amical, mais des vrais amis, pas des likes sur Facebook, est-ce que dans mon entourage amical ou familial ou professionnel, est-ce que je peux trouver quelqu'un qui me soutient? Et soutenir psychologiquement, ça c'est important. Et on voit que les jeunes qui parfois arrivent jusqu'à des conduites extrêmes sont des jeunes qui n'ont pas pu ou su trouver dans leur entourage une oreille attentive, une écoute, etc. Donc encore une fois, c'est pour ça que je souligne le travail remarquable des associations. D'où l'importance aussi donc derrière, c'est que de ne pas être passé... Alors, sa journée devant l'écran, le téléphone, parce que moi, c'est quelque chose que, voyageant pas mal dans les transports en commun, à gauche, à droite, c'est quelque chose qui m'interpelle. Moi, dans les pays étrangers, on va dire qu'on dit soi-disant sous-développé, mais c'est pas sous-développé, mais je veux dire, dont les technologies, je veux dire, sont moins présentes. Mais c'est pour moi personnellement, je trouve que c'est affolant. Je prends le bus, et tous les gens sont sous les écrans, ils s'isolent sur, avec le casque sur la tête. Exemple, il n'y a pas longtemps, ça me fait sourire, mais bon, c'est ainsi. J'étais dans le métro à Paris, je suis arrivé, j'ai eu la courtoisie, la sympathie, faire un sourire à une personne. Elle m'a regardé en deux fois, j'ai eu l'impression vraiment de l'agresser. Puis surtout, après la sortie, j'allais y passer, elle m'a regardé, certainement elle m'a regardé, mais qu'est-ce qu'il me veut celui-là ? Alors que c'était de la bienveillance. Et les gens n'ont plus l'habitude là. Donc ça m'interpelle. Et c'est une façon aussi de s'isoler. Mais est-ce que c'est un phénomène de société ? Pourquoi les gens ils agissent comme ça ? Parce que quelque part, il y a une raison. Est-ce que c'est la peur de l'autre ? La peur d'être jugé ? Est-ce que c'est une façon de se protéger de l'extérieur ? En partie, et une grande partie de ça, effectivement. Regarde, on crée de plus en plus de sites internet pour aider les gens à se rencontrer. Ouais. À une époque, on rencontrait son compagnon ou sa compagne ou peut-être personne. Enfin, on rencontrait les gens quand on faisait ses courses, quand on allait, etc. Maintenant, comme tu partout. Dis, effectivement, voilà, des vrais gens dans le vrai monde. Maintenant, on est obligé d'aider l'humain à trouver des individus sur des critères. Donc, on essaye d'avoir des critères, de formaliser les critères pour lancer des moteurs de recherche qui vont nous trouver le partenaire idéal. Alors, ça aussi, il y a certains auteurs qui disent, pour les enfants et adolescents, c'est quelque chose de très important. Alors, pour les adultes, on va dire que c'est trop tard, peut-être. Mais pour les enfants et adolescents, c'est les technologies ont aussi un impact négatif sur les capacités d'imagination et de rêverie. C'est-à-dire que s'ennuyer, ça fait partie de l'apprentissage. Quand on est enfant, quand on est adolescent, eh bien, on a le droit, je pense qu'on a même presque le devoir de l'imposer à nos enfants, de ne rien faire. C'est-à-dire qu'on est tellement dans une société de consommation où quand tu regardes ce qui se passe autour de nous, si les gens ne font pas quelque chose, ils ont l'impression de perdre leur temps, comme si leur vie allait leur échapper. Donc il faut qu'ils fassent même, alors soit des jeux, enfin ils tweetent, enfin peu importe, ils font des choses, mais il faut faire quelque chose. Or, juste rêvasser, regarder par la fenêtre, dans le train, il y a de moins en moins de personnes qui regardent par la fenêtre. Ouais. Alors comme tu dis, tu relatais l'anecdote dans le métro parisien, effectivement, aujourd'hui ça devient louche, quelqu'un qui sourit à un autre humain. Alors tout à l'heure, je parlais de normes sociales, parce qu'en souriant, tu sors de la norme. La norme, ce n'est plus ça. La norme, c'est... nous avons des réseaux sociaux numériques, donc on parle de réseaux planétaires, mais on n'a jamais été aussi individualiste que ça. Et en fin de compte, je me renferme sur moi-même, je me renferme sur ma propre vie, et j'essaye de fuir, de récupérer du temps en occupant mon temps à faire autre chose. Et du coup, par exemple, on voit de plus en plus de parents, quand les enfants disent « Papa, maman, je m'ennuie », qu'est-ce qu'ils font ? Ils donnent la tablette, ils donnent le smartphone, ils le mettent devant la télé. Pas devant la télé. Voilà. Ouais. Alors que s'ennuyer, ça peut être très bien pour l'imagination. Parce que l'ennui, c'est pas l'ennui, c'est aussi... On peut expliquer justement, ça, c'est très intéressant. L'ennui, ça peut être quelque chose de bien. C'est-à-dire que d'un point de vue cognitif, d'un point de vue neuronal, d'un point de vue cerveau, d'un point de vue... ça cultive la plasticité, on parle de la plasticité du cerveau. Est-ce que ça participe justement à cela ? Eh bien, ça participe complètement parce que d'une part, ça sollicite tout ce qui concerne l'imagination, la créativité. Là où on apprend de plus en plus de choses sur le cerveau, sur les circuits qui sont impliqués dans la créativité, la création, l'imagination. Et puis aussi parce que bricoler ou faire des petites choses avec du papier, du vrai papier, la vraie colle, des vrais ciseaux, c'est autre chose que d'être passif devant un écran. Donc simplement en stimulant le cortex de l'enfant et de l'adolescent, oui. On l'aide à progresser, on l'aide à apprendre. Alors ça, souvent, on l'a bien compris pour les très jeunes enfants. Puis, arrivé à un certain âge, les parents baissent un petit peu les bras et ont très facilement tendance à dégainer l'écran. Parce qu'effectivement, l'écran, comme tu peux le constater, ça a un pouvoir de fascination sur les enfants, sur les adultes aussi. Oui. C'est-à-dire que de plus en plus, moi, je suis assez surpris quand nous arrivons chez des personnes ou des amis, la télé reste allumée. Oui. Elle fait partie de la famille. Moi, exactement. J'ai déjà entendu ça. C'est-à-dire du matin au soir, la télé... Tout à fait. Tout à fait. C'est grave. Non, docteur. Alors, effectivement, la télévision a de cela d'embêtant que les gens sont assis les uns à côté des autres pour regarder un écran. Je compare souvent la télévision avec son contraire que j'appelle les jeux de société. Un jeu de société, on est face à face. Donc, oui. On discute, on échange, on commente. Il y a une vraie interaction qui s'installe entre les joueurs. Quand on joue sur les réseaux, par exemple, il n'y a pas vraiment d'interaction. Ce sont des avatars, des personnages virtuels que je peux commander. Oui. Mais il n'y a pas d'interaction entre les joueurs, il y a des interactions entre leurs avatars. Et du coup, là aussi, des nombreuses études en psychologie, notamment du développement, ont montré que ce qui prime vraiment pour aider l'enfant et l'adolescent à se développer au mieux, ce sont les interactions humaines. Les interactions humaines. De même que, par exemple, je suis l'un des militants pour éteindre la télévision au moment des repas. Parce que le repas... En plus, nous sommes en France, donc du coup, mais en plus, il y a de nombreuses cultures. Le repas d'apprécier est très important. D'apprécier l'art culinaire. Tout à fait, parce que le repas, c'est aussi le moment où on débriefe la journée. J'ai vu ça, j'ai rencontré un tel. Ah bon, qu'est-ce qu'il t'a dit? On discute, on échange. Mmh. Et ça, c'est très, très bien. Et même quand l'enfant ne parle pas forcément, il écoute. Mmh. Il écoute, il retient, il pose des questions. Si maintenant, il y a ce pavé noir dans la cuisine qui... focalise l'attention de tous les protagonistes dans la salle, il n'y a plus d'interaction. Oui, autant manger chacun dans son coin. Et c'est pour cette raison qu'on arrive déjà sur cette première partie d'émission et on va faire notre pause musicale. Et c'est pour cette raison que moi, personnellement, j'ai adopté cette attitude, déjà pas de télé, et tout le monde ensemble à table, parce que d'aller à gauche, à droite, il y en a un qui mange, l'autre il est au dessert. Je dis non, on reste ensemble parce que je pense que c'est une attitude, une bonne attitude, je ne sais pas ce que tu en penses, mais qu'on mange ensemble et que ça permet l'échange, ça permet, voilà, même t'as pas faim, c'est pas grave, viens avec nous parce qu'on va discuter. Raconte-moi ta vie, raconte-moi un peu. C'est une façon de tisser des liens familiaux. Je pense que c'est une bonne attitude. Exactement, c'est une excellente attitude. Eh bien, ce que je te propose, Jérôme, on va revenir sur le sujet juste après cette petite pause musicale. Toi, ma pilule, mon verre de vin. Moi, ton chaud lapin. Toi, ma thérapeute, mon infirmière. Et en silence, je t'ai dit que je t'aime. Toi, mon sommeil. Toi, mon réveil. Toi, une partie de ma nostalgie. Il y a personne comme toi, même ou pas. Ravi, toi, le chauffeur de mon esprit. Et on boit à la santé. De tous les cocus du monde entier. Il y a des cailloux et des clous. Quand je suis tout seul dans mon lit. Toi, la maîtresse de mon corps. Ton corps est un parfum que j'adore. Et on boit à la santé. De tous les cocus du monde entier. Chères auditrices, chers auditeurs, nous sommes de retour sur le plateau de notre émission Libre-Échange. J'ai le sourire parce que vous voyez, c'est par rapport à ce qu'a dit Arnaud à sa chanson, mais nous continuons avec Jérôme à parler justement de ce sujet qui est passionnant, l'être humain, le cerveau, le développement des technologies. Où allons-nous en arriver ? Est-ce qu'un jour, ces nouvelles technologies ne risquent-elles pas de supplanter l'être humain ? Et justement, on va en parler un petit peu. Derrière moi, j'ai eu l'occasion de lire... un ouvrage qui m'a interpellé l'esprit, justement sur l'intelligence artificielle, le développement de l'intelligence artificielle, parce qu'on a vu qu'aussi il y a des chercheurs qui travaillent sur la reconnaissance visuelle, le visage, et aujourd'hui, notamment dans l'intelligence artificielle, les robots, notamment, ils sont en train de travailler sur la reconnaissance des émotions, parce qu'en fait, quand j'interviens, je donne des cours, je dis que notre relation est basée sur des échanges, ce sont que des émotions que nous échangeons. Et derrière, justement, y a-t-il pas un danger d'arriver avec le développement de cette intelligence artificielle, que le robot supplante l'homme et qui est à ce niveau-là, qu'en penses-tu ? Alors, sur les aspects purement intellectuels et cognitifs, le robot va certainement supplanter l'humain. C'est-à-dire que le robot, d'ailleurs c'est déjà le cas dans certaines tâches cognitives ou des tâches de raisonnement, de résolution de problèmes, que ce soit par exemple jouer aux échecs, sauf si on est un grand maître international des échecs, mais le quidam lambda se fait facilement battre. Pour toutes les tâches aussi dans lesquelles... mettre un humain dans la situation peut être dangereux. Je pense par exemple à l'exploration des fonds marins, je pense à l'exploration spatiale. Donc tous ces domaines-là, on voit que l'intelligence artificielle fait les choses comme l'humain et même mieux que l'humain. Donc plus rapidement, le robot ne tremble pas. Donc on voit plus par précisément. Exemple, exactement. Donc par exemple les opérations chirurgicales par les bras chirurgicaux articulés, on voit les prouesses qu'ils arrivent à faire. Donc sur les tâches en termes de résolution de problèmes, je pense qu'effectivement, le robot est déjà en train de supplanter l'humain. Maintenant, comme tu le dis, sur les aspects plus subjectifs, plus affectifs, cognatifs, pour faire le versant cognitif, là, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Pourquoi je dis ça ? Parce que même les collègues roboticiens qui travaillent sur qui essayent de recréer, soit ils recréent les émotions humaines chez les robots, soit ils apprennent à leurs robots à reconnaître les émotions humaines. Or, les robots n'expriment pas des émotions. Ils ne reconnaissent pas des émotions. Ils ne sont capables de produire ou de reconnaître que des comportements dont on pense qu'ils correspondent à des émotions. C'est-à-dire que quand on est en colère, on a les sourcils qui froncent, ou quand on est heureux... L'expression du visage... Exactement. Ouais. Ce n'est qu'une expression comportementale d'une émotion. L'émotion, on ne la voit pas. On ne voit que son expression comportementale, ou l'attitude posturale, enfin des choses comme ça. Donc que le robot puisse détecter l'attitude posturale, l'écartement des sourcils, l'ouverture de la bouche, je me fais aucune illusion. L'ouverture de la pupille... Le font très très bien. Maintenant, sur l'émotion en tant que telle, là, il y a beaucoup de travail. À l'essence même. Ah oui, c'est vrai que là... Alors pourquoi il y a beaucoup de travail chez les roboticiens ? Parce que les roboticiens sont... extrêmement performants et experts dans leur domaine de robotique, mais c'est parce que déjà, à la base, on ne sait pas vraiment décrire ce qu'est une émotion, du point de vue psychologique. Donc comment, pour l'instant, on n'est pas capable de la reproduire, puisqu'on n'a pas encore vraiment pu en saisir l'essence même. L'essence même, c'est ça la quintessence de l'émotion. Parce qu'intervient aussi dans une émotion, il y a un certain nombre, tu disais, le physique, le visage, c'est une expression, la communication non verbale, la PNL, mais aussi d'un point de vue hormonal, parce que derrière, on peut envoyer du stress, par exemple. Le stress, c'est l'adrénaline qui laisse transpirer, là. Tout à fait. Quand on connaît bien une personne, son compagnon, sa compagne, peu importe, ou ses enfants, ou ses parents, quand on connaît bien une personne, il suffit d'un seul regard sur cette personne pour savoir si en ce moment même, elle vous en veut ou pas. Au premier regard. Voilà, pas la peine de lui poser la question. Alors des fois, on pose la question pour avoir confirmation, ou encore plus pour l'énerver. Mais sans la harceler, parce qu'on parlait de tout à fait. C'est jeu de mots. Mais du coup, voilà. Là où je trouve que la machinerie humaine est prodigieuse, c'est que ces choses-là, nous les apprenons rapidement et de manière très, très précoce. Les très jeunes bébés qui viennent de naître sont capables de repérer les intonations verbales, par exemple, de leur mère ou de leur père qui s'adressent à eux, alors que les bébés ne sont pas encore à l'acquisition du langage, donc les bébés de quelques semaines de naissance. Donc, on voit même sur le visage. Et même sur le visage, exactement. Oui. Donc on voit que ce sont des capacités, alors, certainement avec une part de inné, c'est-à-dire certainement dans notre codage génétique, nous avons quelque chose qui nous prédestine à être capable de lire et d'exprimer des émotions aux autres. Oui. Et du coup, ça ouvre une porte à des travaux extrêmement intéressants, par exemple sur ce qu'on appelle le trouble du spectre autistique, donc l'autisme, pour faire simple, où on sait que l'expression et la reconnaissance des émotions chez l'autre, c'est un des principaux symptômes qui caractérise l'autisme. Et donc, des travaux de plus en plus récents et très intéressants s'intéressent à ces compétences précoces de reconnaissance des expressions émotionnelles chez les humains, chez les très jeunes bébés, pour voir si on ne pourrait pas détecter chez certains bébés qui viennent de naître certains signes qui pourraient laisser penser qu'ils risqueraient de développer certains troubles du comportement et d'interaction. Donc là aussi, comme l'autisme, par exemple. Tout à fait, tout ouais, à fait. Ouais. Donc on voit que ce sont des pathologies effectivement lourdes pour les patients, puis aussi pour leur famille, leur entourage. Donc l'idée, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas dépister ou diagnostiquer le plus précocement possible des troubles qui pourraient permettre une prise en charge plus efficace et plus longue et plus pérenne. Alors, dans la continuité, justement, c'est intéressant, mais n'y a-t-il pas un danger aussi parce que bah, les émotions, on parlait là, pendant la pause musicale, notamment au Japon, il y a des recherches, parce que c'est un des pays au niveau technologique les plus avancés au monde, et tu peux nous en parler, puisque tu travailles justement avec des chercheurs là-bas. Quels sont, leur petit secret, si je peux dire, ou ce dont ils sont en train de travailler pour l'avenir. Parce qu'il y a toujours une avancée, toujours aller plus loin dans la recherche. Oui. On veut toujours, c'est un peu comme jusqu'à la physique quantique, quoi. Je veux dire, on est le plus petit du plus petit du petit, mais à un moment... Oui, alors effectivement, alors, il se trouve en plus que je retourne au Japon dans 15 jours, donc voilà, donc je travaille effectivement beaucoup avec les collègues japonais de différentes universités, dans plusieurs laboratoires. Alors, il se trouve qu'ils sont extrêmement performants sur tout ce qui concerne le traitement du signal, la robotique, les aspects locomoteurs des robots, enfin, donc là-dessus, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. En revanche, ils sont très contents de recevoir des personnes comme moi qui sont plutôt en sciences humaines et sociales, parce que on sent bien que ce sont des inquiétudes là aussi. Là. Pas pour l'intégration ou l'acceptabilité des robots. Ça, en fait, ça les intéresse peu. Ce qui les intéresse, c'est plutôt mieux comprendre, en gros, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un individu pour pouvoir faire en sorte que ma machine reproduise cette chose-là. Et cette dimension psychologique est vraiment très importante pour eux. Relativement peu représentée au Japon. C'est-à-dire que le Japon, les universités au Japon sont essentiellement des universités technologiques. Très orientée et très, très performante sur ces aspects-là. Les aspects sciences humaines et sociales, alors il y a de très bons laboratoires, par exemple en histoire aussi, ou en géographie, mais sur les dimensions sociales liées aux nouvelles technologies, c'est beaucoup plus rare. Alors des fois, il y a aussi des découvertes qui sont faites par les collègues japonais, qui sont un peu fortuites. Je pense par exemple à ce bébé phoque robotisé qui s'appelle Palo, donc P-A-R-O, mais comme le R ne se prononce pas en japonais, on va dire Palo. En fait, c'est un robot, petit robot bébé phoque bourré de capteurs, bourré de choses comme ça. Et en fait, ils ont constaté que lorsque vous confiez ce bébé phoque entre les bras d'une personne âgée qui était en pleine crise de démence, alors la personne se calmait. Et elle caressait, exactement. Ils constatent le phénomène. Pour l'instant, ils sont incapables de l'expliquer. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment bien compris encore pourquoi, mais en tout cas, on constate ça. Alors, ça a été reproduit. Donc, par exemple, certains pays scandinaves, en Suède, en Norvège, ils équipent en quelque sorte les maisons de retraite ou les EHPAD, donc les équivalents des EHPAD, c'est ça, ouais. Avec des bébés phoques ou des robots un petit peu de ce style-là, parce que ce sont des animaux robotisés qui permettent de calmer, de rassurer, de réconforter des humains. Donc, on voit là... On déborde tout doucement, mais je trouve que c'est une très bonne chose sur ce qu'on appelle les robots thérapeutiques. Oui. C'est-à-dire comment une machine peut me servir à moi humain pour aller mieux, tout simplement. D'ailleurs, en France, ça existe dans les EHPAD. Là, je l'ai vu dans le cadre justement de mon master, où justement il y a un développement et on a travaillé justement quel est l'intérêt et de plus en plus d'EHPAD, justement, et notamment sur les maladies dégénératives comme Alzheimer, Parkinson, où ça rassure effectivement oui. la personne. Alors bon, après, ça serait intéressant justement de voir un petit peu parce que. L'être humain est constitué d'un ensemble de sens, hein, notamment le toucher, la vue, l'odorat. Et je pense que ça doit, par rapport aux études qu'on a pu voir, justement, c'est le toucher, ça, c'est rassurant. C'est très important, très important. Très important. Alors, souvent, on pose la question, pourquoi un bébé phoque ? Ouais. Alors, l'explication est très simple. Alors, il y a aussi des contraintes... C'est pas pour Brigitte Bardot. En fait, bah, le bébé phoque parce que, d'abord, l'avantage du robot, il a plein d'avantages. Il ne meurt pas. Oui. Les personnes qui sont en EHPAD ou en maison de retraite ont déjà vécu parfois plusieurs deuils. Oui. Donc si en plus on intègre des animaux qui peuvent mourir, on rajoute un deuil. Oui, parce que la parenthèse, c'est que, par exemple, il y avait des lapins dans certains des animaux, et puis ça crée, tandis que là, effectivement. Tout à fait. Les animaux, les vrais animaux en quelque oui. sorte, peuvent être aussi propagateurs de maladies. Un robot, jamais. Troisième raison aussi, très basique, mais qui est importante, dans beaucoup de maisons de retraite et d'EHPAD en France, les animaux sont interdits. Donc du coup, le règlement intérieur stipule que les animaux sont interdits. L'autre raison pourquoi un bébé phoque aussi, quand j'avais posé la question au concepteur, c'est parce que le bébé phoque... La forme, et on n'a jamais eu d'expérience malheureuse avec un bébé phoque. Ouais. C'est-à-dire que, peut-être à part Brigitte Bardot, non, je pense qu'elle a que des expériences heureuses, mais peut-être qu'il a pu arriver à une personne âgée de se faire mordre ou griffer par un chat ou un chien. Oui. Un bébé phoque, jamais. Oui. Donc du coup, est-ce que je peux... On est sur un terrain neutre psychologiquement. Tout à fait, c'est exactement ça. Donc du coup, et en plus le bébé phoque, il est blanc, il a des gros yeux, il a l'air tout mignon. Au niveau culturel, il bénéficie d'une bonne image de marque. Oui. Donc du coup, tout ça sont des facteurs qui font que, a priori, la personne peut aller et va. D'ailleurs, quand on voit les vidéos des collègues japonais, c'est assez bluffant. Les personnes âgées en pleine crise de démence serrent le bébé phoque, le caressent et tout doucement, on voit le rythme cardiaque de ces personnes-là se ralentir. On les voit se calmer, la crise de démence passe tout doucement. Alors qu'un humain. Oui. Qu'un soignant ou aidant humain n'arrivait pas à faire passer cette même crise de démence. Absolument. Puis je pense qu'il y a aussi cet aspect, très certainement, morphologie du phoque, parce que l'appréhension, on peut le prendre peut-être aussi, peut-être plus facilement, il y a cet aspect-là. Certainement. Ouais, alors tu vois, c'est le souci, c'est que ça fait partie de ces études où on constate des choses et on est encore pour l'instant en manque d'informations pour les expliquer. Avec les robots, des robots des fois même plus simples, il y a des études qui sont menées, notamment en France, sur les interactions entre les enfants autistes et des robots. Oui. On voit alors que certains enfants, mis en contact avec un humain, l'interaction est difficile. Soutenir oui. le regard de l'autre, les jeunes enfants autistes ont souvent du mal à soutenir le regard. Oui. Et là, avec un robot, quand le robot est seul dans la pièce avec l'enfant, eh bien, l'enfant lève le regard et plonge son regard dans le regard du robot. Alors le robot, des fois, c'est un nounours, mais un nounours robotisé qui va parler, qui va tendre la patte, et l'on voit l'enfant qui va se lever et toucher le robot. Chose qu'on ne verrait jamais faire cet enfant avec un autre individu humain. Donc là aussi, on constate ces choses-là, qui semblent prometteuses, mais on a du mal encore à les expliquer. D'où la recherche encore de belles années, de beaux siècles devant elle. Puis même, on voit l'évolution des technologies, avec les nouvelles technologies, on devient beaucoup plus précis dans la recherche. On va plus au cœur, l'essence des sujets, des thèmes qu'on a abordés. Donc, il y aura toujours cette évolution. Mais moi, je voudrais revenir alors, sur l'effet aussi. On parlait justement par rapport à ces technologies. La relation des rapports des enfants et nouvelles technologies, et notamment sur les écrans. Je crois que c'est important d'alerter parce que il y a eu dernièrement une émission justement sur le sujet où il parlait qu'il y avait des jeunes, notamment par exemple sur les jeux vidéo, ils font des concours, ils passent 12 heures, 14 heures, ils n'ont plus de repères de sommeil. Et justement, la mise en garde qui serait à faire par rapport aux écrans, ça serait laquelle, Jérôme ? En fait, d'une part, effectivement, tout à l'heure, je disais, si on me posait la question de à partir de quelle durée de consommation d'écran cela devient-il délétère pour l'enfant, l'adolescent, je serais bien incapable de donner une durée précise. En revanche, lorsque la durée commence à être un peu excessive, et là je laisse les parents faire l'appréciation de la durée excessive, mais quand la durée devient excessive, on constate... Est-ce qu'on peut dire 2 heures, par exemple, ou une échelle de référence ? Ce qui est déjà beaucoup pour un jeune enfant. Eh oui. Par exemple, si tu prends un enfant de 6 ans, oui. 2 heures, c'est un quart de sa journée d'école. Oui.